La tête dans les mains, je pense à ce qu'aurait pu être ma vie si je n'avais pas connu cet endroit morbide, cette pute, ce flic, cette tisse, ce shit vers lequel trop de frères se dirigent et l'amour de la vie la néglige. Mais ce 12L 2002, ouais, toujours la même qu'avant, avec la réflexion en plus. Ouais. La tête dans les mains, je pense à ce que j'aurais pu devenir si je m'étais plus attardé à l'école plutôt qu'au loisir. Choisir entre la culture et mes délires, les profs faut s'y prendre, mais ils sont pas parvenus à m'y retenir. Aujourd'hui avec mon groupe de rap le contient, putain. En y repensant la réussite on la voyait déjà pour lendemain. Sur mon chemin j'ai croisé des hommes qui se croyaient forts, pierre à la main, pierre à la main, mais même vivant était déjà mort. Puis j'ai suivi leur chemin, je me souviens plus de quand exactement. Pourtant je m'étais juré de ne jamais ressembler à ces gens. Puis mes impulsions m'ont causé des multiples de torts. Si on pouvait les mesurer je serais à des altitudes de remords. À la conseillère d'orientation je lui dis que j'aimais communiquer. Elle m'a tendu les clés d'un CAP boulanger. À cette époque là j'ai compris que rien n'était doux et que c'était en partie de ma faute si ma mère avait souvent des larmes sur ses joues. Choisir entre être honnête ou malhonnête, arracher des sacs ou des mallettes, quand c'est la fin qui tient les mallettes. Tu sais j'écris des morceaux sur du vécu pendant que des rappeurs rédigent leurs filles sur du PQ. Parce que la vie est courte et qu'il y a plus de route que beaucoup déraper. Rêve de s'attraper, à toi de faire en sorte de ne rien regretter. À toi d'assurer, à toi d'assumer. Parce que la vie est courte et qu'il y a plus de route que beaucoup déraper. Rêve de s'attraper, à toi de faire en sorte de suivre le bon chemin. Et contrairement à ce qu'on t'a dit, t'es pas moins que rien. On m'a dit, Selim t'es trop doux, limite commerciale, je m'en fous. Est-ce que t'es là pour me nourrir quand j'ai la dalle? Puis l'important c'est que je sais qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et quand je vais mal, je sais sur qui compter pour m'y retrouver. À traîner dans les endroits que même les rails disent. De ce que tu dis, j'y reviendrai pas. Mais dès le lendemain, j'y récidive. Dans ma vie, y'a rien de drôle, loin d'être un drame comme du Shakespeare. Jamais à nu, mais je me mettrai jamais à poil comme Britney Spears. On peut pas plaire à tout le monde, alors on se prend la tête, ça s'embrouille. Mais aujourd'hui, sache que plus que tout, je m'en bats les couilles. Je vais pas m'inventer une image pour jouer le colosse des halls, ni fumer le joint et me rassurer en disant que c'est pas pire que l'alcool. C'est ce qu'on aime. Ça fait, pour nous c'est comme un abcès. Celui des éléphants c'est pire, commencer jusqu'à tomber dans l'excès. Vexé par la vérité, qu'on a du mal à encaisser. Certains me diront pas m'aimer car c'est leur vie que je viens d'expliquer. Avec un son brut, un morceau anti-pute. Derrière mon anti-pop, qui stop au faux hip-hop, je l'ampute mec. Arrête ta mascarade, je suis là pour faire couler ton mascara. Je prends ta caméra et fais un putain de zoom sur 9. Parce que la vie est courte et qu'il y a plus de route que beaucoup ont dérapé. Rêve de s'attraper, à toi de faire en sorte de ne rien regretter. À toi d'assurer, à toi d'assumer. Parce que la vie est courte et qu'il y a plus de route que beaucoup ont dérapé. Rêve de s'attraper, à toi de faire en sorte de suivre le bon chemin. Et contrairement à ce qu'on t'a dit, t'es pas en moins que rien. Parce que la vie est courte et qu'il y a plus de route que beaucoup ont dérapé. Rêve de s'attraper, à toi de faire en sorte de ne rien regretter. À toi d'assurer, à toi d'assumer. Parce que la vie est courte et qu'il y a plus de route que beaucoup ont dérapé. Rêve de s'attraper, à toi de faire en sorte de suivre le bon chemin. Et contrairement à ce qu'on t'a dit, t'es pas en moins que rien.